Le compromis. Zakia Niaoui. C'est dans une crêperie de Montmartre, au moment du dessert, qu'Amal et Fred convinrent ensemble de passer leurs vacances au Cap d'Agde. Depuis quelques mois, leur couple battait de l'aile. En août, ils casseraient leur tirelire pour partir ensemble dans le sud. La sexualité à plusieurs les faisait fantasmer, mais ils n'avaient jamais osé franchir le pas. Durant ce séjour, ils allaient se lâcher, tenter de se retrouver en partageant des expériences inédites. Les résidences du village naturiste étaient beaucoup trop chères. Leur statut d'étudiant ne permettait pas de telles dépenses. Elle commençait une thèse en littérature et lui terminait un master en marketing. Au départ, ils pensaient s'installer au camping, mais ils finirent par louer un studio à Marseillan pour une dizaine de jours, afin de pouvoir recevoir avec un minimum de confort. Les plages libertines du Cap d'Agde, notamment celle surnommée la baie des cochons, n'étaient pas loin de leur immeuble. Ils faisaient la route à pied. Les deux premiers jours, ils passèrent l'après-midi à bronzer avec tous ces gens entassés les uns sur les autres, en matant les scènes coquines autour d'eux. Certains couples aimaient s'exhiber, se faire des gâteries publiquement. Ce spectacle les excitait, Amal et Fred. Le soir, une fois rentrés dans leur studio, ils retrouvaient en faisant l'amour la fureur des premiers jours. Mais très vite, des divergences apparurent. Fred voulait qu'Amal l'aide à rencontrer l'une de ces créatures de rêve qui bronzait nue sur la plage. L'idée de voir sa petite amie se faire lécher le minou par une autre fille l'excitait au plus haut point. Mais Amal n'était guère attirée par ses tripes macho et sexistes. Durant son enfance, elle avait vu sa mère se soumettre à toutes les volontés du paternel et elle s'était promis de ne pas accepter dans sa propre vie cette domination masculine, notamment au niveau de sa sexualité. Elle aussi fantasmait sur un plan à trois, mais avec un homme qui ressemblerait à Fred, tout en étant moins brutal, plus attentionné. Incapables d'harmoniser leurs désirs, ils se firent la tête au bout du quatrième jour. L'après-midi sur la plage fut sinistre. Amal passa la soirée devant un film de Spike Lee en se disant qu'au moins avec Fred, ce n'était pas le choc des cultures qui posait problème. En se couchant dans le canapé-lit du salon, elle sentit de petites larmes au fond des yeux. Leur couple n'allait pas tarder à imploser. Ils étaient venus ici pour s'amuser, baiser comme des fous, et ce soir-là, elle s'endormit les entrailles en feu, brûlant d'envie de faire l'amour. Le lendemain, ils décidèrent d'aller à nouveau sur les plages libertines. « On verra bien ce que cela va donner, nous deux, » dit Amal d'une voix mélancolique. « Tu sais, si vraiment on est devenus incompatibles, toi et moi, il vaut mieux en rester là. » Fred lui répondit sèchement qu'il était d'accord. Mais en faisant le trajet à pied, ils se rendirent compte qu'ils étaient beaucoup trop attachés l'un à l'autre pour envisager une quelconque séparation. En arrivant à la baie des cochons, ils s'embrassèrent fougueusement et s'installèrent au milieu des autres couples, pas loin de l'eau. « Comment va-t-on faire pour s'éclater ensemble ?» lui dit-il en s'allongeant sur le sable. « Je suis désolée, mais il est hors de question que je te partage avec un autre mec. Pareil, je ne me vois pas non plus faire un plan à trois avec ces nanas vulgaires que tu reluques sans arrêt depuis qu'on est là. Allez, oublions ça. Je vais te sucer, ça va nous détendre. » Au moment où Amal lui prit son sexe dans la bouche, les yeux de Fred tombèrent sur une jolie brune en string, assise non loin d'eux. Certaines filles ne se déshabillaient pas entièrement sur les plages naturistes, contrairement aux hommes qui étaient virés manu militari s'ils conservaient leurs caleçons de bain. Amal la repéra également. La brune, aux longs cheveux noirs, avait un sourire ensorcelant. Plus Fred la contemplait, plus la flamme qui brillait dans ses prunelles s'intensifiait. Fred caressa le sexe de sa compagne, lui glissa un doigt dans sa fente humide. Elle se mit à gémir, tandis que les premiers badauds faisaient cercle autour d'eux. « Je veux aller jusqu'au bout, » prévint-elle. « Continue comme ça. » Amal voulait s'exhiber impudiquement devant les hommes seuls qui erraient sur la plage, les allumer, les regarder éjaculer sur le sable. Fred ferma les yeux, s'efforçant d'ignorer les inconnus de tout âge qui se masturbaient en contemplant la scène. Quelques femmes se tenaient dans la foule, passablement excitées. Il se concentra sur les lèvres d'Amal, sur la cyprine qui inondait ses doigts, sur le soleil brûlant qui se reflétait dans la mer, et sur le sourire de la mystérieuse Aphrodite qui les regardait avec insistance. Elle était grande, mince, avec des seins plutôt petits mais appétissants. Fred ne pouvait détacher les yeux de ce corps sublime, androgyne. La fille était avec eux, virtuellement penchée près du visage d'Amal, laquelle s'était mise à sucer goulûment le sexe de Fred. Sa chatte n'avait jamais mouillé comme ça. Le regard envieux des hommes l'excitait terriblement. Sentant la verge de Fred sur le point de jouir, elle la sortit de sa bouche et la masturba énergiquement, en regardant la mystérieuse inconnue. Fred, en observant son manège, se sentit encore plus excité. Il l'éjacula entre les doigts d'Amal, accompagné de chaleureux applaudissements. Une fois le spectacle terminé, les gens s'éloignèrent. Un autre show commençait un peu plus loin. Amal vint se blottir contre Fred. La fille les regardait toujours. Ils lui sourirent. « Elle est très jolie, » dit Amal. « Tu as vu ce ventre, ses jambes ? Qu'est-ce que j'aimerais être comme elle ?»« On va faire connaissance ?» demanda Fred. « Tu ne perds jamais le nord, toi !» Au bout d'un moment, la charmante brune se leva. Après leur avoir jeté un sourire aguicheur, elle se dirigea vers la mer avec un déhanchement exagéré. Fred n'arrivait pas à décrocher son regard de son petit cul plat et ferme. Pourquoi avait-elle gardé ce string noir ? Pourquoi n'était-elle pas nue ? Il aurait tant voulu découvrir son sexe. « Viens, » dit-il à Amal, « on va causer avec elle. » Les pieds dans l'eau, ils firent connaissance en échangeant des banalités. La fille se prénommait Andrea. Elle dragua ouvertement Amal, qui, amusé, se prit au jeu. Fred restait silencieux de peur de tout gâcher. Au bout d'un moment, Andrea passa sa main dans les cheveux bouclés de sa petite amie, éclaircie par le soleil, et l'embrassa doucement sur la bouche. Amal se laissa faire, ravi. Le baiser était doux, tendre, avec un goût sucré. Tout ce qu'elle aimait et que Fred avait du mal à lui donner. « Vous m'avez terriblement excités tous les deux. « Toi aussi tu nous excites, » lui répondit Fred. Amal sourit à son tour. Son mec était tellement obnubilé par les seins d'Andrea qu'il n'avait pas encore remarqué la petite bosse discrète qui apparaissait de plus en plus sous son string. Celle-ci ne cherchait pas à la dissimuler, regardant même Amal avec un sourire complice. « Et si tu te mettais nue ?» insista Fred. « On pourrait aller s'allonger tous les trois, se faire des câlins. » « Quand tu verras ce qui se cache sous mon string, tu n'auras peut-être plus envie que nous nous fassions des câlins. »« Je suis sûre du contraire, » répondit-il confiant. « Ma copine et moi faisons l'amour même quand elle a ses règles. » Amal éclata de rire. Des petites vagues leur rafraîchissaient les pieds. Fred n'avait toujours pas compris que sous le maillot de bain d'Andrea se dressait un pénis gonflé de désir. Quand il se rendit compte de la situation, son visage changea de couleur. « Eh bien, moi, j'ai envie de te voir toute nue, » dit Amal. « Si Fred n'est pas sur la même longueur d'onde, tant pis pour lui. Depuis qu'on est ici, monsieur me fait la gueule car il veut un plan à trois avec une autre fille et me refuse la partie de baise que je souhaite faire avec lui et un autre mec. Je peux être un beau compromis pour vous deux, » conclut Andrea. Elle fixait Fred avec un charmant sourire, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Ce dernier était en proie à des sentiments contradictoires. D'un côté, il avait envie de prendre ses jambes à son cou. Même si beaucoup de ses amis étaient gays, il n'avait pas l'intention de virer sa cutie. Mais pouvait-on parler d'homosexualité ? Certes, Andrea était dotée d'une queue, peut-être aussi grosse que la sienne. Toutefois, ses seins qui pointaient de manière arrogante vers lui, ce visage de salope angélique qui lui souriait malicieusement, le rendait fou de désir. La façon dont elle avançait son corps sensuel vers celui d'Amal laissait imaginer les perversités auxquelles ils étaient susceptibles de se livrer tous les trois. Andrea avait l'air d'être une sorte d'objet sexuel docile dont on pouvait disposer à sa guise. Avec elle, la baise devait être très obscène, très indécente. Cependant, quelque chose le retenait. Pourquoi fallait-il que cette fille ait une bite, bon sang ? Ils décidèrent de l'inviter à dîner chez eux. Un bon moyen de voir la tournure que prendraient les événements. Sur le chemin du retour, Andrea fit remarquer à Amal que celle-ci était très ouverte d'esprit, alors que la plupart des filles maghrébines de son entourage portaient le voile et ne fréquentaient pas les plages libertines. Ce type de cliché sordide doit aussi exister à propos des personnes transsexuelles, répondit Amal. Et je suppose que tu n'aimerais pas les entendre de ma bouche, alors pourquoi tu me dis des conneries pareilles ? Andrea, mal à l'aise, baissa les yeux, regrettant d'avoir été un peu brutale. Amal prit la brune par la main en lui adressant un sourire réconciliateur. « Je suis peut-être arabe, musulmane, d'origine maghrébine, tout ce que tu veux, mais avant tout, je suis moi, je suis Amal, et tu n'as pas idée à quel point j'ai envie de baiser avec toi, Andrea. » Fred écoutait la conversation sans mot dire, plongé dans la perplexité à la vue du sexe tendu sous le short prêt à exploser. Son esprit lui disait de tout arrêter et de raccompagner gentiment cette fille chez elle après le dîner. Une fois entrés dans l'appartement, un étrange silence s'installa entre eux. Amal mit un peu de musique. L'un des premiers albums de Killing Joke. Personne n'osait prendre l'initiative de déclencher la tempête sexuelle qui les attendait. Ils dînèrent rapidement, une salade composée, un peu de vin. Au moment du dessert, Amal se pencha sur le visage d'Andrea, l'embrassa fougueusement. Puis elle alla s'allonger sur le canapé-lit en regardant Fred avec des yeux brûlants. « Fais ce que tu veux, mon chéri, mais moi, ce soir, j'ai envie de m'amuser. » Elle ôta son t-shirt, attira Andrea contre elle pour l'embrasser à nouveau. Les mains d'Andrea lui pétrissaient agréablement la poitrine. Amal se retrouva nu, cuisses écartées. Les doigts de la jolie brune taquinaient son clitoris. Fred les rejoignit presque malgré lui. À son tour, il enleva toutes ses fringues. Amal admira son corps musclé, ses fesses parfaites, son sexe qui bandait durement. Andrea déboutonna sa longue robe blanche, la tint quelques instants en l'air, puis la lâcha par terre. Fred était à la fois excité et anxieux. Qu'allait-il se passer à présent ? Quelle folie s'apprêtait-il à commettre ? La bosse sous le petit string noir était toujours là, tout comme Amal. Il n'arrivait pas à décoller ses yeux du corps splendide d'Andrea. Elle fit glisser lentement le morceau de tissu le long de ses cuisses, les regardant à tour de rôle, avec un sourire coquin. Sa verge était longue, fine, son pubis intégralement épilé. Fred était fasciné par cette vision, même s'il se sentait incapable, pour le moment, de toucher le membre dressé. Mais Amal, elle, n'en pouvait plus d'attendre. Elle se mit à embrasser les seins d'Andrea, qui se laissait faire docilement, prenant plaisir à être manipulée par cette jolie fille, avide d'expériences nouvelles. Elle cambra les reins, imaginant les doigts de l'homme sur elle et ceux de la femme qui explorait sa chair en ébullition. Fred, en retrait, observait en silence les deux filles. Finalement, il se résolut à venir près de sa copine. Et il embrassa sur la bouche, comme pour se rassurer. Mais Amal n'avait pas envie de jouer les mères poules. Son ventre en feu désirait très fort les deux queues. Elle en prit une dans chaque main et se mit à les branler en se disant que les hommes n'ont pas l'insouciance sexuelle propre à de nombreuses femmes, cette capacité quasi naturelle de s'abandonner à l'ivresse des sens. La violence de son regard laissa Fred sans voix. Il avait l'impression de faire l'amour non pas avec une, mais deux inconnues. Il ne reconnaissait pas sa compagne. Il ne se reconnaissait plus lui-même. Andrea bandait très fort. Attiré par elle, Fred se sentait toutefois incapable de toucher ce corps. Son désarroi manifeste fit sourire Amal. Elle leur mit à chacun un préservatif, puis commença à sucer son copain. Elle s'interrompit et invita Andrea, hésitante, à le sucer à son tour. Fred se laissa faire, désemparé. Le Rubicon était franchi. Lorsque la langue d'Andrea se mit à taquiner son gland pendant que celle d'Amal allait et venait le long de sa verge, la sensation fut absolument divine, dépassant tout ce qu'il avait pu imaginer dans ses fantasmes. Les deux filles le suçaient en même temps, l'une en promenant sa langue sur ses testicules, l'autre engloutissant en entier son membre en érection jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Fred avait l'impression de vivre un rêve. Lorsqu'Amal prit le sexe d'Andrea dans sa bouche, il ressentit une excitation encore plus forte. C'était comme regarder un film porno dont l'héroïne principale était sa petite amie. Sauf que la scène ne se déroulait pas sur un écran de télévision, mais dans la vraie vie. peu à peu, Fred se décoinça. Ses mains caressèrent le ventre d'Andrea. Leurs langues se mélangèrent sous le regard ébahi d'Amal. Les frontières disparaissaient. Les différences s'estompaient. Les corps brûlants fusionnaient. Chacun d'eux n'était plus qu'un simple morceau de chair cherchant le plaisir, devenant plaisir. N'y tenant plus, Andrea s'empala sur le membre de Fred, tandis qu'Amal, agenouillée en face d'elle, lui caressait les seins, l'embrassait dans le cou, jouait avec ses ravissants testicules imberbes, fascinée elle aussi par cette troublante mais néanmoins voluptueuse anatomie. Au bout d'un moment, ils changèrent de position. Amal se mit à califourchon sur Andrea, sentant en elle le sexe en érection de son amante allongée sur le dos. Elle ondulait du bassin, cambrait ses hanches vers Fred. Ce dernier arriva dans son dos, lui humidifia l'anus avec son doigt couvert de salive et lui enfonça violemment sa verge entre les fesses. On n'entendait plus que le clapotis de leur corps et la musique. Les deux sexes qui labouraient chacun de ces orifices mirent Amal dans un état d'exaltation intense, avivé encore par le regard d'Andrea qui la fixait, rempli de flammes ardentes. Elle colla ses lèvres aux siennes, incapable de retenir ses gémissements. Jamais Amal ne s'était abandonné à la jouissance avec aussi peu de retenue. Emportée par les coups de rein de Fred qui la pilonnait sans ménagement, elle ne put empêcher la queue d'Andrea de sortir malgré elle de son vagin inondé de cyprine. Foudroyée par la violence des orgasmes successifs, Amal demanda à Fred presque en hurlant d'arrêter l'étreinte. Il fallait qu'elle reprenne souffle. Andrea en profita pour s'approcher de lui, à la fois attirée par cet homme brutal et craignant d'être repoussée, insultée, traitée de pédé ou de travelot. Elle se mit à se masturber en le fixant droit dans les yeux, se livrant à lui comme jamais elle ne s'était livrée à un homme. Effrayé, il s'allongea près d'Amal, cherchant de nouveau un refuge, peine perdue. Sa copine n'avait Dieu que pour ce corps transidentitaire. Andrea, alors, s'approcha d'eux, s'agenouilla au-dessus de leur visage et continua à masturber son sexe gonflé. Fred, pour la première fois, eut envie de toucher cette verge, de participer activement à son éjaculation, même si, en même temps, il avait peur de recevoir du sperme sur lui. Timidement, avec une étrange lueur dans le regard, il se mit derrière Andrea et, l'embrassant dans le cou, lui caressa délicatement les testicules. Il se penchait pour prendre ce membre en bouche quand Andrea jouit sur la poitrine d'Amal, qui les regardait en se caressant. « Mon Dieu, qu'allais-je faire ?» se dit Fred. Andrea, qui avait compris ce que l'homme s'apprêtait à faire, lui adressa un sourire amusé. « Partie remise ?» Amal ne s'attendait pas à pareille initiative de la part de son mec. Elle l'imagina à quatre pattes sur le lit en train de se faire sauvagement baiser par Andrea, pendant qu'elle-même lui suçait le sexe. Cette vision soudain l'effraya. N'allait-il pas trop loin, trop vite, tous les trois ? Mais elle chassa cette pensée de sa tête. « Allez, viens !» lui dit-elle. « On va te faire jouir toutes les deux, tu l'as bien mérité. » Elles allongèrent Fred sur le dos, lui firent écarter les jambes, se mirent à lui caresser l'anus. Pendant qu'il se masturbait, elle léchait son petit orifice encore vierge, passait leurs doigts le long de l'arrêt en caressant ses testicules. Puis elles s'embrassèrent sur la bouche en le regardant avec l'air de deux garces déchaînées. Fred était au septième ciel. Il s'astiquait frénétiquement le manche, enveloppé de toutes ses sensations magiques. Au bout d'un moment, il ne put se retenir. Une énorme giclée de sperme atterrit au-dessus de son nombril tandis que les filles lui caressaient les bourses. Il l'éjacula encore et encore, dans une sorte d'état second. Ce soir-là, ils s'endormirent profondément, anesthésiés par le plaisir et la chaleur estivale. C'est Fred qui se réveilla le premier. Étrangement, il n'éprouva aucun remords. À aucun moment, il se dit qu'il avait baisé avec un mec. Les deux filles étaient toujours dans les bras de Morphée, blotties l'une contre l'autre. Quand Andrea ouvrit les yeux, lui adressa un sourire complice, il eut envie de recommencer ce qu'ils avaient fait la veille au soir, en allant plus loin encore. Mais est-ce qu'Amal serait toujours aussi enthousiaste pour expérimenter avec eux les nouvelles variantes du plan A3 ?